Chapitre 6. Vie de Gousset. Était-ce donc vrai ce que disait ce laid coquin de Gripe-Soleil ? Les chevaliers de la Basse-Bretagne ne valent-ils pas mieux que des mendiants à Paris ? Je n'avais même pas eu l'idée de lui rompre les os pour tant d'insolence. À Guidel, entre lui et moi, il y avait une énorme distance. Si près de la ruine que fut la maison de mon oncle, nous étions des gentilshommes, et certes, on nous mettait bien au-dessus du riche monsieur Merlin lui-même. Ici, ma pauvreté me gênait et me paralysait. Les méchants habits que j'avais sur le corps m'humiliaient à un point que je n'aurais pas soupçonné la veille. En galopant sur la route, je ne voyais point d'obstacle. Le principal était d'atteindre Paris. Une fois à Paris, j'aurais ville conquise. Et maintenant que le dur pavé de Paris était là sous mes pieds, je me sentais rapetissé, timide, vaincu avant de combattre. Avez-vous remarqué cela ? Je n'avais pas même osé prononcer le nom de Mademoiselle de Bois-le-Roi. Il faisait jour encore. Je restais sur la chaussée, les bras ballants, la tête pendante. J'avais un gros poids sur le cœur. Dans le premier moment, je croyais que c'était la pensée d'Hermine, mais je me trompais. Il y avait de tout là-dedans. Il y avait ma honte, ma colère impuissante, le sentiment nouveau de mon absolu néant. Il y avait mon oncle, il y avait surtout Vivette. Qu'avait-il voulu dire, ce plamarot ? Je le savais menteur et capable d'inventer les plus noires mystifications. Au départ, monsieur le Bihan se portait bien, Dieu merci. Et combien de temps s'était écoulé depuis lors ? À peine un demi-mois. C'était à peu près l'heure où mon brave oncle se mettait à table pour souper, protestant, l'épée à la main, contre les agissements malhonnêtes de la duchesse Anne et coupant la prescription qui aurait pu moisir ses droits à la couronne de Bretagne. Je l'entendais qui disait de sa bonne voix, moitié gouailleuse, moitié convaincue, « Je remplace aujourd'hui par hasard monsieur mon chapelain ordinaire, qui se trouve avoir pris ses vacances. » J'avais mesuré une fois ce qu'il y avait de noblesse et de bonté au fond du cœur de ce brave homme. Et il était le père de Vivette. Que n'aurais-je pas donné pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de cette chère maison ? C'était à cela que je pensais, si près de cette autre maison dont les grandes murailles me séparaient d'Hermine. Quand la douce et pâle beauté de Mademoiselle de Bois-le-Roi venait à passer devant mes yeux, je la repoussais presque, tant je voulais me donner tout entier à de plus vieilles affections. Je ne sais pas combien de temps je serais resté à cette place, planté devant la grande porte de l'hôtel du Coudray. Les passants me regardaient, quelques-uns me heurtaient. Je n'y prenais pas garde, à cause de cette pensée de mort que les paroles de Gripe-Soleil avaient éveillée en moi. La nuit tombait. Un guichet s'ouvrit à droite de la maîtresse-porte, et une fillette qui portait le costume de Vitré se glissa dehors. Elle vint droit à moi. « Est-ce vous ? » me demanda-t-elle. « Qui êtes le chevalier de Kéramour ?» Sur ma réponse affirmative, elle prit mes deux bras et me tourna sans façon du côté du réverbère voisin qu'on venait d'allumer. « Vous étiez plus propre et plus net à la grand-messe de Vitré, » reprit-elle. « Mais je vous reconnais bien maintenant. Il y a donc que je suis la chambrière de mademoiselle, venue par le coche avec le restant de la maisonnée, car on ne savait point qu'elle s'en irait religieuse. »« Religieuse ? » répétai-je. « Est-elle donc déjà au couvent ?»« Oui bien, depuis 3 jours. Rien n'y a pu. Vous avez été trop longtemps en route. Elle me disait toujours de vous guetter par ma lucarne qui est là au-dessus, et j'y restais tard et matin, veillant comme ma sœur Anne qui ne voit jamais rien venir. Alors elle pleurait, et elle parlait toute seule, disant « Je lui avais ordonné de m'oublier, il m'a obéi. Alors un matin de la semaine passée, le vicomte est arrivé, vous savez bien, monsieur de Saint-Pierre. Il est parent des Ducoudray, et aussi de l'abbé Théret, le contrôleur général. Monsieur Ducoudray ne voulait point le recevoir, et monsieur de Pélédoux parlait de le dénoncer à la police. Mais il a donné la pièce à celui qui a les yeux en croix, le vilain, le remplaçant du pauvre monsieur Lécaire. « Gripe-Soleil » prononçai-je involontairement. Elle eut un transport de joie. « Gripe-Soleil » répéta-t-elle. « Comme ça le coiffe ! Tenez, je vous aimais bien, rien qu'à vous entendre appeler le chevalier de Kéramour, mais je vous embrasserais si on n'était pas dans la rue pour ce nom-là, Gripe-Soleil. Moi, je m'appelle Babette, et je suis honnête fille. Tout ce que je pourrai pour vous, je le ferai. » Elle était jolie comme un cœur, cette petite, et ses yeux noirs pétillaient de bonne malice. « Vous parliez du vicomte de Saint-Pierre, » dis-je. « Oui, oui, celui-là, notre demoiselle le craint comme un demi-sang de loup, depuis qu'il a fait la fin du jeune de Tréverne, qui me plaisait, approchant comme vous. Alors elle a voulu décamper, et ce qu'elle veut, faut que ça se fasse, toute douce qu'elle est comme un chérubin. Mais je n'avais pas fini pour le grippe-soleil. C'est donc bien sûr qu'on aurait jeté le Saint-Pierre dehors, sans que Grippe-Soleil a dit qu'il avait reconnu votre valet au signe de la croix de Laval, l'homme qui a des bottes et qui éternue, et qu'il savait bien que vous couriez le pays pour vous faire votre fortune en détournant une héritière, et que monsieur le vicomte, à tout le moins, serait bon pour vous casser les côtes si vous faisiez trop le méchant. Alors on l'a laissé entrer, et une fois qu'il entre, celui-là, il n'y en a plus que pour lui. Madame Thérèse du Coudray en raffole. Monsieur du Coudray le veut à déjeuner tous les jours, et il a fait croire au gros que sans lui, vous auriez enlevé Mademoiselle Hermine au fond de Bois-le-Roi. Il est bel homme. Mais elle, Mademoiselle de Bois-le-Roi, eh bien, elle a fait à sa tête, elle est aux feuillantines de la rue Saint-Jacques. Où est-ce ? Elle a bien dit de vous dire, si vous veniez, de ne point essayer à la voir. D'ailleurs, c'est impossible. Elles sont là comme dans une boîte qui serait dans un coffre qu'on aurait mis dans une armoire, et la porte de la chambre fermée à clé et la maison barricadée. Je vais vous expliquer le chemin. Il était bien 9 heures du soir quand je quittais cette jolie Babette qui, de fil en aiguille, m'avait conduit jusqu'à la rivière et, le long de la rivière, jusqu'au pont au change. Quand elle entendit sonner la cloche du Châtelet, elle me quitta brusquement et s'enfuit comme une gazelle. Je n'avais pas de cœur à folâtrer. Je n'ai jamais vu de si beaux cheveux noirs que les siens, et ses yeux allumaient les lanternes. Elle était accordée avec un gars de Vitré, où le monde a du bonheur en ménage. Je passai la Seine, et je montai une petite rue noire qui n'en finissait plus. Les boutiques commençaient à se fermer, mais à la porte des cabarets, on causait encore à coups de poing entre jeunes messieurs des écoles. Je ne savais pas que c'était le fameux pays latin, et je m'étonnais de l'énorme quantité de fleurs fanées qui formaient le bouquet d'amour dans ces savants parages. Tout en haut des montagnes de l'université, je retrouvais la solitude, et bientôt ce lourd silence qui se fait autour des couvents pesa sur moi. Au faubourg des tavernes succédait sans transition la ville des cloîtres. C'est à peine si je trouvais un passant pour m'indiquer parmi toutes ces noires retraites, la maison des dames feuillantines. C'était un monastère immense qui remplissait tout l'intervalle situé entre le couvent des Ursulines et l'abbaye du Val-de-Grâce. J'en fis d'abord le tour, et ce fut long. À ces heures de nuit et en l'absence de toute lumière, il me sembla que l'enclos n'avait qu'une seule issue, pareille à une porte de prison. Je m'arrêtai devant cette porte qui s'ouvrait, ou bien plutôt se fermait, sur la rue des Feuillantines. J'étais brisé de fatigue et de tristesse. Je m'assis sur un banc de pierre enclavé dans le mur, et pour la première fois, je me demandais ce que j'étais venu faire en ce lieu. Ah, je vais vous le dire, j'étais venu la voir, ma chère petite sainte, ma fortune, et je la voyais. Elle était dans sa cellule close, et moi sur le granit de mon banc. Mais j'éprouvais un mélancolique bonheur à la sentir là, si près de moi, malgré les murs de citadelle qui nous séparaient. Si j'avais pu seulement lui faire savoir que j'étais là, elle pensait à moi, je n'en doutais pas, mêlant mon nom à sa prière ou me souriant dans son rêve. Comme elle avait le front blanc sous son bandeau de lin, avait-on coupé déjà ses cheveux si légers et si flexibles ? Dans ses grands yeux bleus, il y avait la fatigue des larmes. Mais que de beauté parmi ses tristesses! Quelle grâce exquise dans sa pose, pendant que l'oraison la prosternait devant son prie-Dieu, surmontée par l'austère image du Christ. Et ce cadre qui élève le charme de la femme jusqu'à la splendeur, ces 4 murailles toutes nues, ce lit chaste, toutes ces rigidités, éveillant si puissamment la double notion de grâce divine et de tendresse humaine. Je disais adieu. Elle n'a rien à expier, celle-là. Ce n'est pas Madeleine. Laissez-la bénir l'existence d'un homme avant de remonter au ciel. vis-à-vis de moi, de l'autre côté de la rue, il y avait une maison de méchante mine, toute basse, dont les volets étaient fermés. Elle s'adossait à l'enclos des Ursulines. J'étais assis sur mon banc depuis bien longtemps déjà, causant avec mon rêve. Et certes, je n'aurais point remarqué cette masure sans un bruit de verre et de bouteille qui se fit à l'intérieur. En même temps, une ligne faiblement lumineuse dessina les contours des volets. On soupait. Il y avait des voix d'hommes et des voix de femmes. Parmi ces voix, j'en distinguai une qu'il me sembla reconnaître. Où l'avais-je entendue? Je n'aurais point su le dire. Je me mis à écouter malgré moi. Le carillon du Val-de-Grâce lança ses quatre appels, modulés selon l'accord de tierce mineure, et suivi d'un coup unique. C'était la première heure après minuit qui sonna à Sainte-Geneviève, à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, aux Ursulines, puis à toutes les églises et communautés du quartier. « À la santé du capitaine » cria-t-on derrière les volets. « Buvons à vide gousset !» Il y eut un éclat de rire, puis la voix que j'avais cru reconnaître dit « Messieurs, je vous remercie, mais il y a maintenant à Paris deux concurrents pour ce noble nom de ville de Gousset, Monsieur l'abbé Théret et votre serviteur. Comme je suis loin d'être le plus voleur des deux, j'ai envie de baisser pavillon. » On rit plus fort. Je me demandais « Où diable ai-je entendu la voix de ce drôle ?» Car malgré mon innocence, je devinais bien que j'avais affaire à des bandits. Je traversai la rue à bas bruit et je collai mon œil aux fentes des volets, mais il me fut impossible de rien voir. Du moins étais-je mieux placé pour entendre, et bien m'en prenais, car on parlait maintenant tout bas. Le premier mot que je saisis fut mon nom, et ce fut à peu de choses près le dernier aussi, car une porte grinça et quelqu'un dit, un nouvel arrivant sans doute, « Alerte ! Soufflez la chandelle ! Il y a un quidam assis sur le banc des pauvres aux feuillantines !» La lumière disparut. Je me glissai aussitôt le long des murailles, pensant que le lieu allait devenir dangereux. En effet, au moment où je tournais l'angle de la rue Saint-Jacques, je pus voir tout un essaim d'ombre qui s'agitait à la place même où je me tenais naguère aux écoutes.